Musicoté. Mis sa graine dopée, assois là. Au démon, c'est bien frotté. Cos, cos, que t'es meuf pour trapper. Assois l'ambiance, huile est belle. En plus, n'a de limoncel. Mis sa graine dopée, assois là. Pour faire pète le faya, faya. Au démon, l'arrivée. Mis sa graine dopée, assois là. Au démon, c'est bien frotté. Comme d'habitude, c'est casse cassé. Assois l'ambiance, huile est belle. En plus, n'a de limoncel. Mis sa graine dopée, assois là. Pour faire pète le faya, faya. Mais vous, si côté. Donne-moi baba, assois là. Sa vie à sa virée, s'il te plaît. À nos pics piqués, c'est là là. Pousse côté, casse-cassé. Donne-moi baba, assois là. Sa vie à sa virée, s'il te plaît. À nos pics piqués, c'est là là. Assois mal à décider, casse-cassé l'oreille manzélé. Pour faire pète ces gars, assois là. Papo dit si ça part en tanta. Pour midi l'ambiance, huile est belle. En plus, n'a de limonzel. DJ la glosse, on a crié. L'ambiance remplie d'enzirée. Côté. Ôtez-moi l'arrivée, mis sa graine dopée à toi là. Au démon, c'est le bien frotté. Cos, cos, que t'es mieux pour trapper. Assois l'ambiance, huile est belle. En plus, n'a de limoncel. Mis sa graine dopée, assois là. Pour faire pète le faya, faya. Au démon, l'arrivée. Mis sa graine dopée, assois là. Au démon, c'est le bien frotté. Comme David, lui, c'est casse cassé. Assois l'ambiance, huile est belle. En plus, n'a de limoncel. Mis sa graine dopée, assois là. Pour faire pète le faya, faya. Mais vous, si côté. Donne-ni baba, assois là. Sa vie à sa virée, à nos pics piqués. Pousse du côté, casse-cassé. Donne-ni baba, assois là. Sa vie à sa virée, à nos pics piqués. Assois mal à décider, casse-cassé l'oreille monzélé. Coupé bête, c'est gars, assois là. Papo dit si ça part en tanta. Comité l'ambiance, huile est belle. En plus, n'a de limonzel. DJ la glosse, on a crié. L'ambiance remplie d'enzirée. Allez, n'a trouvé, moi la bien défoulée. L'ambiance c'est comme ça, allez na mettre ça. C'est toujours un plaisir, sans tout un public en délire. Allez na mettre ça, na vie à la prochaine fois. Hey, maman!